Amateurs de théâtre, sortez vos agendas. À l'occasion du Carrefour international de théâtre de Québec, édition 2009, CKRL vous propose une série d'émissions spéciales. Entrevues, discussions, critiques. À l'animation, Alexandra Liva, Hélène Méclich et Raymond Poirier. Les vendredis 29 mai, 5 juin et 12 juin, de 16h à 17h30. Tendez l'oreille ou venez nous rejoindre au Zinc, 336 rue du Roi. Un rendez-vous à ne pas manquer. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est avec vous. C'est la dernière de cette saison. Pour la saison d'été, ben, Web Musique va débuter à 20h30, donc ajustez vos cadrans. Si c'est un peu trop tôt pour vous, ben, l'émission est toujours disponible en balado-diffusion, donc vous avez juste à venir sur le site pour télécharger les émissions. Le site se retrouve au www.webmusique.org. Vous avez les liens vers les artistes. Il y a aussi plein de ressources qui a trait à la musique en Creative Commons, donc c'est un de... Il faut vraiment finir faire un tour pour avoir l'émission au complet, il faut passer sur le site. Cette semaine, ben, je vais débuter avec une pièce vraiment complètement capotée. L'artiste s'appelle Mytho Clash, c'est un artiste... d'habitude qui évolue sous le nom de Swizz, c'est un artiste qui reste maintenant à Montréal, qui a déjà été à Québec, qui fait beaucoup de trucs dans le midi-core, il fait beaucoup de trucs graphiques aussi, donc c'est un artiste vraiment talentueux. Je vous fais entendre sa pièce « An Old Dust Grows ». Vous allez voir, c'est un genre de mix de tous les meilleurs riffs metal et death metal et musique du monde. Vous allez voir, c'est assez pété. Avis à ceux qui ont les oreilles délicates, c'est peut-être pas pour vous. Donc, on débute tout de suite avec Mytho Clash. Two, three. Dire que vous n'avez pas tout entendu, toutes les riffs metal donc, qui se retrouvent dans cette pièce-là. La pièce s'appelle An Old Dust Grows. C'est par l'artiste Mythoclash, qui est aussi connu sous le nom de Swizz. C'est un artiste qui reste à Montréal, qui a déjà resté à Québec. Donc, je vous invite à aller voir sa page. C'est complètement pété. Pour poursuivre Web Music, je vous propose The Brand Flakes. C'est un groupe qui est composé par Otis Fodder, qui reste maintenant à Montréal, qui a créé l'étiquette Comfort Stand Recordings, une étiquette défunte, mais où vous avez toujours accès aux archives. Et il y a aussi Mildred Pitt, je crois qu'il vient de Seattle. C'est assez intéressant, c'est lui qui fait les vidéos du groupe. C'est toujours une imagerie un peu enfantine, comme un peu leur musique. Donc, je vous propose deux pièces. La première s'appelle « I'm so very glad that you are my friend » et on va entendre ensuite « Countdown to the end ». C'est les Brand Flakes. Let's begin now. Come on. Goodbye, children. You'll be back. Come down. Housewarming. C'était les Brand Fakes, la pièce Countdown to the End. Avant ça, c'était I'm So Very Glad That You Are My Friend. Donc, un groupe composé de Otis Fodder et de Mildred Pitt. Pour poursuivre l'émission Web Music, je vous propose un artiste qui est sur l'étiquette Buddha Beats, une étiquette qui nous vient de Budapest en Hongrie. Donc, le groupe vient du Royaume-Uni, s'appelle Sliptone, la pièce s'appelle Birds and the Bees. Ensuite de ça, de l'Australie, on va entendre de Spasmodix, c'est sur l'étiquette Dual Plover, une étiquette australienne. La pièce s'appelle Mud on the Turtle. Puis enfin, on va finir cette demi-heure-là avec Caféinic, la pièce Elephant Music for Bears. Donc, Caféinic, j'ai pas plus d'informations qu'il faut. Je crois que l'artiste ne se produit plus. Donc, c'est sur l'étiquette WM Recordings, une étiquette qui nous vient des Pays-Bas. On débute tout de suite avec Sliptone. House, get the mic out your hand. Thank you. Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie, encore pour la prochaine demi-heure. Donc, avant la pause, on avait entendu Caféinic, la pièce Elephant Music for Bears. Avant ça, c'était de Spasmodix, la pièce Mud on the Turtle. Puis, enfin, on avait débuté ce bloc-là avec Sliptone, un groupe du Royaume-Uni. La pièce s'appelle Birds and the Bees. Pour poursuivre Web Music, je vous propose un artiste qui est sur l'étiquette Human Workshop. C'est plus un collectif, un magazine. Donc, ils font aussi de l'édition sonore pour le cinéma et la publicité. Donc, Dan Hendricks, sa pièce s'appelle Mollusque. Dan Hendricks qui nous vient des Pays-Bas. Ensuite de ça, sur l'étiquette française Fresh Pulp Records, je vais vous présenter Electro Gnawa Project, la pièce Aisha. Donc, c'est un projet qui vient du Maroc et de la France. Puis ensuite de ça, on va entendre du Brésil, Retrigger, avec sa pièce Ghetto Blaster 64. Donc, pour tout de suite, c'est Dan Hendrix avec la pièce Mollusque. Ah

c'était Retrigger, la pièce Ghetto Blaster 64, donc sur l'étiquette Psychotropicodelia Music, une étiquette qui nous vient du Brésil. Avant ça, c'était la pièce Aisha par Electro Gnawa Project. C'est un projet qui vient du Maroc et de la France. C'était sur l'étiquette Fresh Pulp Records, une étiquette qui nous vient de Orléans, en France. Et on avait débuté avec Dan Hendricks, un artiste qui vient des Pays-Bas, la pièce Mollusque. C'était sur l'étiquette Human Workshop, une étiquette des Pays-Bas. Pour poursuivre Web Music, je vous propose Gosprom, un groupe qui vient de l'Ukraine. C'est sur l'étiquette Edphonica. Je vous fais entendre leur pièce Hoop Shoop. Ensuite de ça, de l'Espagne, Orxata Sound System, la pièce Sobrin Les Portes. Puis enfin, on va entendre Helico Bacter, un groupe, plutôt un artiste qui nous vient de Montréal. C'est sur l'étiquette Weird and Wired, une étiquette qui vient de Berlin en Allemagne. La pièce s'appelle Eld. Donc, vous écoutez Web Music, puis on débute avec Gosprom. sobre les portes, el grupo está siguiendo. Son finos cosos de ritmos que cambien. Sos dicen historias de nubos checans. Cada toque dice una palabra te vola. de Montréal, c'était Helicobacter, la pièce Held, c'était sur l'étiquette Weird and Wired, une étiquette qui vient de Berlin en Allemagne. Avant ça, c'était un groupe espagnol, Orxata Sound System, la pièce Sobrine Les Portes. Puis avant ça, c'était un groupe ukrainien, Gosprom, la pièce Oop Shoop, sur l'étiquette Edphonica. Donc, c'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que les pièces que vous avez entendues ce soir et toutes les pièces que vous entendez à l'émission, c'est possible de les télécharger gratuitement. Pour ça, ben, c'est assez simple. Vous vous rendez sur le site qui est au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous pouvez aussi laisser des commentaires dans les playlists si vous avez aimé ou si vous avez besoin de plus d'informations. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, c'est déjà tout pour Web Music. La semaine prochaine, ça va être la saison estivale. Donc, Web Music va être à 20h30 au lieu de 21h. Si c'est trop tôt pour vous, ben c'est pas grave. L'émission est toujours disponible en balado-diffusion. Ça va être Jason Vlasak qui suit avec son émission Jazzimus Actuel. Je vous invite à rester sur les ondes de CKRL pour une belle soirée de musique. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h30 pour une autre émission de Web Music. Bonne nuit. Les Nuits en Musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Martin. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Martin. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et wannabe, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Ce lundi à l'émission avant 9h, tout est possible. On part à la découverte de Québec avec Jacques Martineau et son carnet de Québec. Tout sur la programmation d'été de CKRL. Aussi, les découvertes musicales de Benoît Arcan, le monde de l'économie avec Jean-François Gosselin et les suggestions BD de Stéphane Gravel. C'est un rendez-vous demain dès 7h. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.